samedi 18 juillet 2020. Bienvenue à ce journal de la mi-journée dont voici les principaux titres. Le comité de protection des journalistes CPJ en sigle demande au président de la République de libérer les journalistes du groupe de presse Iwacu. Vous l'entendrez dans son journal. Et le président de la commission Vérité et Réconciliation Sévère appelle les Burundais possédant des témoignages à se confier à cette commission. Pierre Claver Ndayichariye indique que cette commission compte poursuivre ses travaux d'enquête sur les tueries qui ont été perpétrées en 1972. Et les propriétaires d'hôtels en mairie de Bujumbura se plaignent qu'ils travaillent à perte dans ces jours où le monde fait face au coronavirus. Eli Kadogo assure la mise en onde et la présentation vous est avec Ornella Mucho. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le comité de protection des journalistes CPJ en sigle demande au président du Burundi de libérer les journalistes du groupe de presse Iwacu et de faire respecter la liberté de la presse. Dans sa lettre de correspondance adressée au président Évariste Ndayishimiye ce vendredi, le dit comité fait savoir avoir pris note des engagements du président lors de son investiture. Le CPJ évoque certains de ses engagements, entre autres la promotion des droits de l'homme et la garantie de la justice pour tous. Ce comité de protection des journalistes pense que le gouvernement du président Évariste Ndayishimiye apporterait un climat favorable aux journalistes pendant l'exercice de leur métier dans le but d'honorer ses engagements. Les quatre journalistes du groupe de presse Iwacu ont été arrêtés au mois d'octobre en 2019 quand ils se renseignaient sur l'insécurité qui régnait en province de Bubanza. La commission Vérité et Réconciliation Sévère indique qu'elle compte poursuivre ses travaux d'enquête si les causes des tueries qui ont été perpétrées en 1972 au sud du pays. Le président de cette commission l'a annoncé ce jeudi à Gitega dans une conférence de presse. Pierre Claver Ndayichariye appelle les Burundais qui possèdent des témoignages à se confier à cette commission. Je vous propose de le suivre. Il est traduit en français par Moïse Misago. Dans les jours à venir, comprenez bien, nous allons continuer à enquêter sur les motifs des massacres qui ont eu lieu en 1972 au sud du pays où auraient commencé des tueries de masse. Nous invitons les Burundais ou les étrangers qui possèdent des témoignages de ces tueries de masse qui ont emporté la vie des Burundais en cette période de travail de la CVR, c'est-à-dire depuis 1885 jusqu'en 2008, espace temporel du travail de la CVR, à se confier à cette commission. La commission Vérité et Réconciliation CVR les acquérera à bras ouverts, les écoutera en toute confidentialité qui est un moyen efficace qui cadre avec la loi. Cette procédure fera à ce que la vérité sur les crimes qui ont été perpétrés soit connue un jour. Encore que ce sera une vérité qui ne divise pas les Burundais, mais plutôt une vérité qui apaise les esprits et les réconcilie. Page sécurité à présent, la police burundaise a exhibé un groupe de présumés bandits qui pillent les gens ou qui les font traverser illégalement les frontières en provenance de la Tanzanie vers le Burundi via la province de Makamba. Parmi ce groupe de bandits figurent aussi des administratifs à la base. Pierre Houli, qui est porte-parole de la police, dit que ces présumés bandits collaborent avec un autre groupe de Tanzaniens. Suivez-les. Comme la bande commet une criminalité transfrontalière, eh bien, dans le cadre de la bonne collaboration avec nos voisins tanzaniens, cette enquête va préciser les faits. Et après ces précisions, alors, la police burundaise va collaborer avec la police tanzanienne pour pouvoir mener des opérations conjointes, pour pouvoir démanteler définitivement cette bande et en recherchant d'éventuels criminels qui auraient pris le large. Et je précise aussi que toutes les personnes qui seraient impliquées dans cette criminalité, qu'elles soient burundaises ou tanzaniennes, eh bien, elles finiront par répondre de ces actes ignobles. Je voudrais aussi m'insurger contre la présence au sein de cette bande criminelle des agents administratifs. Il est regrettable que des gens, des administratifs qui sont censés protéger la population et ses biens, en viennent à pouvoir être les premiers criminels, les premiers perturbateurs, les premiers violeurs des droits de ses citoyens. Il est vraiment très regrettable. À 13h02, le journal continue sur Isanganiro. Les propriétaires des hôtels à Mairie de Bujumbura disent qu'ils travaillent à perte dans ces jours où le monde fait face au coronavirus. Il faut savoir qu'ils ont été obligés de réduire le personnel pour les uns. Les autres ont adopté un système de travail à moitié mois et demandent à l'État d'ouvrir les frontières tout en respectant les gestes barrières contre le Covid-19. Aimé Richard Nyonguru, reportage. Avec un air presque désespéré, c'est l'un des employés de l'hôtel Downtown à Mairie de Bujumbura qui témoigne que dans ces jours-ci où le monde fait face au coronavirus, la vie est presque déstabilisée. Il signale que la plupart de leurs clients venaient des pays voisins comme la République démocratique du Congo qui ne viennent plus parce que le coronavirus. Même son de cloche pour ce passager rencontré à ce même hôtel qui fait savoir que parfois leurs activités sont paralysées. Ça nous a vraiment impacté parce que nous nous sommes retrouvés bloqués, parce que nous sommes des hommes d'affaires. Puis quand nous sommes venus faire des affaires ici, nous nous sommes retrouvés bloqués parce qu'il y a eu cette maladie, le coronavirus. Donc tu te retrouves dans un pays où tu étais habitué à faire tes affaires. Et puis on te dit qu'il y a d'autres choses qui ont été bloquées, que tu ne peux pas sortir le pays ou bien retourner dans votre pays d'origine. Alors vous êtes obligé de rester en payant toujours le logement que tu n'avais pas programmé. C'est vraiment un grand problème pour nous. À l'hôtel Niwakal, situé dans la zone urbaine de Nyakabiga, les employés de cet hôtel nous ont signifié que la situation est très alarmante. Sur un personnel de plus de 40 auparavant, l'hôtel a dû licencier une grande partie de ses employés pour ne rester qu'avec un dixième, c'est-à-dire 4 seulement. Même chose à l'hôtel Martha, situé en zone de Lohero, toujours à Mairie de Bujumbura. Cette fois-ci, les responsables de l'hôtel n'ont pas procédé au licenciement de ses employés, mais plutôt adopté un système de moitié mois pour pouvoir garder son personnel, comme nous l'a témoigné Natacha Muchowera de ce même hôtel. Oui, on a dû amener le système de moitié mois pour que le personnel reste au complet. En fait, une partie travaille le début du mois et l'autre à la fin du mois pour qu'on reste tous au travail sans que les uns soient licenciés. Les employés des hôtels, comme leurs employeurs, tous demandent à l'État d'ouvrir les frontières afin de faciliter la circulation, tout en précisant que le respect des gestes barrières contre le Covid-19 doit être de rigueur. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page commerce à présent, certains habitants de la commune Mugamba en province Bururi se lamentent que le prix pratiqué sur le savon dit Bururu dépasse celui fixé par le gouvernement burundais. Ils disent l'acheter à 250 francs bourg alors que le prix fixé par le gouvernement burundais est de 150 francs bourg. Ils demandent à l'administration de faire respecter les prix. L'administrateur communal de Mugamba a mis en garde ces commerçants qui seront sévèrement punis. Jean-Pierre Misago. Les habitants de certaines collines de la commune Mugamba comme Nyatubuye, Mutobo et Munini affirment que le savon dit Ubururu est disponible dans certaines boutiques mais à 250 francs burundais la pièce. Ces habitants demandent à l'administration locale de faire de tout son mieux pour ramener le prix à 150 francs burundais la pièce comme fixé par le gouvernement burundais. Jacqueline Nagirutimana, l'administrateur communal de Mugamba avertit que ces commerçants spéculateurs s'exposent à des sanctions sévères. Elle demande à sa population de les dénoncer via leur chef collinaire pour les traduire en justice. À part ce problème de spéculation sur le prix du savon Ubururu subventionné par le gouvernement burundais, quelques points de cette commune ne sont pas alimentés en eau potable selon cette autorité communale. Jean-Pierre Misago depuis Muramba en commune Mugamba, Radio Isanganiro. La ville de Bujumbura abrite ce samedi le championnat regroupant 11 équipes qui jouent le tennis de table en mairie de Bujumbura. Le président de la Fédération de tennis de table, la mairie de Bujumbura, fait savoir que les premiers clubs vont représenter la mairie de Bujumbura dans le championnat national. Joseph Boutoy appelle les élèves qui sont en grandes vacances de s'intéresser des sports du fait qu'ils contribuent dans la cohésion sociale. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianengendakouman. C'est un tournoi que nous organisons au niveau de la mairie de Bujumbura dans l'association de tennis de table à mairie de Bujumbura. C'est-à-dire qu'au niveau national, il y a une structure qui régit la discipline de tennis de table qui, au niveau le plus bas, commence par les clubs qui sont composés de joueurs et d'un comité exécutif qui assure toutes les obligations administratives du club. Et les clubs constituent les composantes de l'association dans chaque province. Comme la mairie de Bujumbura est assimilée à une province, nous avons la TTM qui coiffe l'ensemble des clubs de tennis de table à mairie de Bujumbura. Et combien d'équipes que vous avez ici à mairie de Bujumbura? À mairie de Bujumbura, dans l'ensemble, nous avons 11 clubs de tennis de table. Vous avez mentionné que les premiers clubs vont se présenter dans le championnat national. Ce championnat est prévu quand? Pour pouvoir classer les joueurs des premiers dans chaque catégorie, le championnat national qui est organisé à la fin de l'année et dont la préparation dépend des décisions de la fédération, du comité de la fédération. Nous avons l'habitude d'organiser ça vers la fin de l'année, donc au mois de décembre. Et nous sommes dans la période des grandes vacances. Quel appel lancer aux élèves qui sont en vacances? L'appel que je lancerai à la jeunesse, c'est de venir assister au jeu de ce championnat au niveau de l'association pour pouvoir admirer et enfin participer. Ainsi s'achève ce journal, mais dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. La reconstruction du marché central de Bujumbura, un projet en suspens, déplore le journal Burundi Echo. Cet hebdomadaire note que la capitale économique n'a pas de marché central depuis le 27 janvier 2013, date à laquelle l'ancien est parti en fumée. Une forêt a poussé à la place de cette infrastructure qui fut l'un des moteurs de l'économie burundaise. Les promesses à ce sujet sont restées lettres mortes, constate notre confrère, qui note aussi que l'attente se pérennise. Selon ce journal spécialisé dans les questions économiques, le principe fondamental du génie commercial consiste à choisir la place où l'on espère trouver de la clientèle. À Bujumbura, poursuit-il, c'est le centre-ville qui reste le carrefour où converge la grande partie de la population urbaine. Après plus de 4 ans que le projet de reconstruire le plus grand marché du pays est annoncé par l'État, l'ex-marché central de Bujumbura, le plus grand marché du pays, est annoncé par l'État burundais, sa mise en œuvre se fait toujours attendre. Dans le but de revaloriser l'emplacement de l'ex-marché central de Bujumbura, le gouvernement avait annoncé depuis longtemps son projet de mettre en place un centre commercial moderne, rapporte l'hebdomadaire. Dans la politique de promotion des infrastructures publiques inscrites dans le plan national de développement, le journal évoque le financement du projet prévu qui se passerait dans le cadre du partenariat public-privé. Malheureusement, regrette-t-il, le mémorandum d'entente pour la construction de cette infrastructure économique adopté par le Conseil des ministres en septembre 2018 est resté lettre morte. La question reste posée. À quand la reconstruction du marché central de Bujumbura, s'interroge Burundi Echo. Deuxième round de recrutement des enseignants. La transparence est souhaitée, écrit la voix de l'enseignant. En effet, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique via le ministère de la fonction publique envisage de recruter 1000 enseignants du fondamental et du post-fondamental qui vont entrer en fonction au début de l'année scolaire 2020-2021 fixé le 7 septembre 2020. Pour ce journal, cette manière de faire est saluée par le public en général et les leaders syndicaux en particulier, qui rappellent que c'est une pratique préconisée par le statut général des fonctionnaires et espèrent que cette manière de recruter aura un impact positif sur la qualité de l'enseignant et de l'enseignement. Ils pensent que cela va inciter également les élèves à fournir beaucoup d'efforts dans leurs études, du fait qu'ils savent qu'il y aura un autre examen à faire après leurs études qui leur permettra d'avoir du travail, écrit toujours la voix de l'enseignant. Ces leaders syndicaux demandent au ministère en charge de l'éducation et celui de la fonction publique de garantir la transparence comme ils l'ont fait lors du premier round de recrutement, c'était en octobre 2019. Revue de la presse. Les maladies virales et bactériennes des bananiers tendent à se généraliser à travers tout le pays, alerte un chercheur de l'ISABO sur cette culture. Célestin Nyongere déclare dans les colonnes de l'ABP que ces maladies observées dans quelques provinces il y a quelques années sont très graves à travers tout le pays, au niveau des plantations, et peuvent réduire la production jusqu'à zéro. Concernant la gestion de ces maladies, ce chercheur suggère des enquêtes régulières pour savoir les poches de maladies en vue de leur destruction aussitôt avant la disparition des plantations à grande échelle. Il préconise aussi une grande sensibilisation à grande échelle en vue de réduire la dispersion de la maladie. Amnesty International demande au président Ndayishimiye de libérer Germain Rukuki en détention depuis plus de 3 ans déjà dans la province d'Ngozi, rapporte Net Press, qui rappelle qu'en avril 2018, le tribunal a prononcé à son endroit une peine de 32 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État et rébellion. Ce quotidien en ligne rappelle que Germain Rukuki a interjeté appel mais que le jugement au premier degré a été maintenu. Coïncidence ou pas, le dossier de Germain Rukuki vient de connaître un nouveau rebondissement au moment où le pouvoir vient de changer de main dans notre pays. En effet, rapporte notre confrère, la Cour suprême vient de casser les 2 premiers jugements en renvoyant le dossier en appel avec un nouveau siège. Est-ce qu'il n'y a pas d'amitié sans sexe entre une fille et un garçon, s'interroge le collectif de blogueurs Yaga. La blogueuse trouve que cette question est posée par plusieurs filles. Et cela parce que d'un côté, elles ont été blessées par une amitié hypocrite ou parce qu'elles se sont retrouvées dans des rapports sexuels non désirés, explique Yaga, qui trouve qu'il s'agit du viol. Pas mal de filles ont été victimes de cette amitié profiteuse, selon les témoignages recueillis par la blogueuse, qui regrette cependant que personne n'ose le dénoncer pour des raisons diverses. Et c'est la fin de cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana et Lini Bel Nibigira. Excellent week-end à tous. À la prochaine.